Chapitre 4. Arrestation de Ravensbird. Ils étaient tous réunis à la station de la douane, entourant le pauvre Michel étendu sans mouvement. Le médecin venait d'arriver à l'instant. Monsieur l'inspecteur Cotton avait pris une lumière et la tenait au-dessus du visage du malade. Sims, le douanier, envoyé à la recherche du médecin, ne l'avait pas trouvé immédiatement. Il le rencontra enfin dans le village, se promenant avec monsieur Apparley, le solliciteur de Lord Dane. Sims l'informa en quelques mots de ce qui venait de se passer, et ces deux messieurs se hâtèrent vers la station. Quand ils y arrivèrent, Michel était encore sans connaissance, la bouche couverte d'écume. « Faites-moi le plaisir de vous retirer, voulez-vous ? Allons, débarrassez la chambre de votre présence, » dit le médecin aux assistants qui se pressaient autour de lui. « Savez-vous ce qui a pu causer cette attaque, monsieur Cotton ? J'imagine que ce pauvre garçon a dû être excessivement surexcité. Il est arrivé ici comme un fou, en manche de chemise, hors d'haleine, incapable d'articuler une syllabe. Je n'ai jamais vu un homme aussi bouleversé. J'ai cru qu'il était ivre. » Le docteur, il se nommait Wilde, un homme maigre, vif, actif, à cheveux noirs bouclés, ne vit pas d'observation. Il examinait attentivement Michel. L'inspecteur reprit. En faisant un effort, Michel parvint à prononcer quelques mots auxquels je n'ai pas compris grand-chose. Il réclamait, je crois, du secours pour quelqu'un qui était mort. Quant à moi, monsieur Wilde, je crois qu'il avait l'esprit dérangé. « Ce ne peut être ça, monsieur, » dit Sims en s'adressant à son chef. « Je pense qu'il a dû être saisi d'une grande frayeur. Michel est un homme tranquille, de vie régulière, ne buvant jamais, ne faisant d'excès d'aucune sorte. Mais c'est un poltron numéro un. » Le seul moyen d'arriver à la solution du problème était d'attendre que Michel reprît connaissance et voulût bien s'expliquer. Monsieur Wilde resta auprès du malade, qui peu à peu revint à lui, mais fut presque une heure avant de pouvoir parler. On le plaça alors sur une chaise devant le feu et on lui fit boire un verre de vin. « Maintenant, Michel, commença le docteur, racontez-nous ce qui s'est passé. Que vous est-il arrivé ?» Michel ne répondit pas. Il cherchait probablement à rassembler ses souvenirs confus. Quelle heure est-il ? Demanda-t-il tout à coup en essayant de se lever comme pour regarder la pendule derrière lui. Près de 10 heures. Vous feriez mieux de rester assis, Michel. Mais au lieu de rester assis, Michel fit quelques pas dans la chambre en chancelant, puis vint retomber accablé sur sa chaise. Il était encore très faible. Ah, il est trop tard, s'écria-t-il avec agitation. Le corps a dû être emporté par la marée. Il raconta alors de son mieux les événements de la soirée. Ses paroles étaient entrecoupées, quelquefois incompréhensibles. Ce qu'on put en saisir cependant était suffisant pour exciter l'étonnement et l'épouvante. Il y avait eu une lutte sur le bord de la falaise entre deux hommes, et l'un d'eux était tombé ou avait été précipité du haut des rochers. C'était le capitaine Dane. À ce nom, M. Apparley avait tout à coup levé sa tête d'homme de loi, d'un air soupçonneux. « Vous dites que quelqu'un luttait corps à corps avec le capitaine Dane et l'a précipité du haut de la falaise, Michel ?»« À ce qu'il m'a semblé, monsieur. Qu'il se soit querellé et battu, j'en suis sûr. Et il n'est pas probable que le capitaine Dane se soit jeté de lui-même d'une hauteur pareille. »« Alors j'ai bien peur que son adversaire n'ait été Ravensbird, » dit M. Apparley d'un ton grave. « On a entendu prononcer des menaces de vengeance contre son maître aujourd'hui. »« C'était lui, monsieur. Il n'y a pas le moindre doute. » s'écria Michel, auquel la même pensée était déjà venue au moment de l'accident. « Je ne l'aurais jamais cru capable d'une pareille action, cependant. Mais qu'y a-t-il à faire maintenant » ajouta-t-il en s'agitant. « La marée, c'est certain, doit avoir entraîné le corps en pleine mer. »« Êtes-vous sûr qu'il fut mort, Michel ?» demanda le médecin. « Complètement mort, monsieur. C'est ça qui m'a tant effrayé. » « Qu'y avait-il à faire ?»« Ah, en vérité, il était bien temps de le demander. » Sans plus attendre, tous, à l'exception de Michel et d'un homme qui resta pour prendre soin de lui, ils partirent, en suivant la route des falaises, pour l'endroit où l'accident avait eu lieu. La plage, il le savait, était impraticable, car la mer battait son plein et la recouvrait entièrement. Arrivés sur les hauteurs, près des ruines de la chapelle, ils regardèrent au-dessous d'eux. La marée avait presque atteint son apogée. Aucune trace, ni sur la plage, ni sur les falaises, n'existait de la lutte décrite par Michel, et le corps du capitaine Dane avait, selon toutes les probabilités, été entraîné au large. Après avoir satisfait leur curiosité en interrogeant la mer dans toutes les directions, en examinant chaque angle et chaque rebord des rochers, en cherchant à découvrir sur la route le moindre indice qui pût les mettre sur la trace de la vérité, ils tinrent conseil sur la première mesure à prendre. Il fallait d'abord, de toute nécessité, aller annoncer la nouvelle à Lord Dane. C'était évidemment deux gentlemen, le médecin et l'homme de loi, que devait incomber cette tâche. « C'est une commission désagréable qui ne me plaît que médiocrement !» s'écria un brûle-pourpoint le docteur quand il aperçut les lumières du château en traversant la pelouse. Harry Dane, je le sais, n'était pas le fils préféré. Mais en définitive, un fils est un fils. La commission ne me plaît pas plus qu'à vous. Je vous prie de le croire, répliqua M. Appleby. Mais il me vient une idée. Ce n'est pas à nous, en bonne conscience, d'annoncer une pareille nouvelle. Je crois que ce sera plutôt Herbert Dane. Rien ne pouvait être mieux accueilli qu'une pareille suggestion, et le docteur la saisit avec joie. Les deux amis renoncèrent donc pour le moment à se rendre au château et se dirigèrent vers la demeure de Herbert Dane. La domesticité de ce modeste gentleman et de sa sœur consistait seulement en deux serviteurs, un homme et une femme. Cette dernière vint ouvrir la porte et dit que son maître était à la maison. M. Herbert Dane était en train de prendre ses aises, étendu sur un canapé devant le feu, un cigare à la bouche et quelques bouteilles à la portée de sa main. Il tournait le dos à la porte quand le docteur et l'avocat entrèrent. « Voilà ce que vous appelez 9 heures, Harry !» s'écria-t-il en entendant le bruit de leurs pas. « C'est aimable de me faire attendre aussi longtemps. Je suppose qu'il y avait balle sur le yacht. Monsieur Herbert !» Herbert Dane se retourna en entendant la voix du docteur et se leva précipitamment. « Oh, je vous demande bien pardon !» dit-il avec un sourire. « Je croyais que c'était le capitaine Dane. » Ils ne prirent pas les fauteuils qu'il leur présenta et attendirent que la servante eût fermé la porte. Alors ils regardèrent d'un air grave le jeune homme, dans l'espérance de le préparer peu à peu, par la solennité de leur contenance, à une nouvelle aussi inattendue. Ce fut de nouveau le docteur qui prit la parole. « Monsieur Herbert, nous avons une tâche bien pénible à remplir, et nous venons à vous pour que vous nous y aidiez. Nous nous rendons au château avec de mauvaises nouvelles pour Lord Dane. Un accident est arrivé à son fils. Herbert Dane était trop préoccupé de remplir convenablement son rôle de maître de maison pour prêter beaucoup d'attention à ses paroles. Il allait et venait, plaçant des liqueurs sur la table, sonnant la domestique pour qu'elle apportât des verres. Un bec de gaz seulement était allumé, et la chambre aurait été presque obscure si le feu de la cheminée n'avait pas été si pétillant. Herbert poussa de côté le canapé et tendit la main pour donner plus de lumière, mais au lieu de tourner la clé à gauche, il la tourna à droite et le gaz s'éteignit. « La peste soit de ma maladresse. Je ne sais jamais de quel côté faire tourner ces maudites clés, messieurs. « Monsieur Herbert, vous ne m'avez pas compris, je pense, interrompit le médecin. Qu'importe le gaz, un horrible accident est arrivé au capitaine Dane, et nous venons vous prier d'en aller annoncer la nouvelle à son père. Au capitaine Dane, que s'est-il passé ? Il est tombé ou a été poussé du haut des falaises près des ruines de la chapelle. Il est plus que probable qu'il est mort sur le coup. » Herbert Dane avait tortillé un petit bout de papier et était sur le point de l'introduire entre les barreaux du grillage de la cheminée dans l'intention de rallumer le gaz. Il le laissa échapper de sa main et tourna vers le médecin son visage consterné auquel la lueur du foyer donnait un aspect étrange. « Tombé du haut de la falaise ? Quand ? Comment ? Qu'a-t-il pu se passer ? Je l'attends ici depuis 9 heures. » Ils lui dirent ce qu'ils savaient et le prièrent de se charger d'annoncer la nouvelle à Lord Dane. Herbert parut tout déconcerté. La demande le prenait à l'improviste. « J'aimerais mieux aller au bout du monde, » dit-il. « Je ne suis pas vu d'un bon œil au château depuis quelque temps. Et la nouvelle sera certainement plus pénible pour mon oncle, annoncée par moi que par toute autre personne. Je veux bien vous accompagner, mais à condition de ne pas porter la parole. C'est vraiment une horrible fatalité que le corps ait été entraîné en pleine mer. Harry n'était peut-être pas mort. Il faut que le douanier, ajouta-t-il en s'animant, était bien idiot. Il aurait dû monter tout de suite au haut de la falaise par le petit escalier. Il aurait trouvé du secours au château. Qui était-ce ? Michel. C'est aussi l'observation que je lui ai faite. répondit M. Wilde. « Ah, c'est vraiment déplorable que ce fût justement le tour de faction de Michel. Tout autre douanier n'aurait pas ainsi perdu la tête. Quand on pense que l'imbécile a tellement été effrayé qu'il en a eu une attaque d'épilepsie, et n'a pu parler que lorsqu'il était trop tard, pour sauver ce malheureux jeune homme. » Herbert Dane, le coude posé sur le marbre de la cheminée, le front appuyé sur sa main, semblait réfléchir. « Michel, dit-il, n'avoir pu distinguer qui était l'autre, l'adversaire de Harry, du capitaine Dane ? Demanda-t-il. « Oui, il l'a parfaitement vu, » s'écria l'avocat avant que son ami eût pu répondre. « Qui ça pourrait-il être, sinon le domestique chassé, Ravensbird ?»« Ah !» fit Herbert Dane, son pâle visage rougissant tout à coup. « J'avais dit justement à Harry, en le rencontrant cet après-midi, de se méfier de cet homme. Non pas que je craignisse quelque chose de sérieux. Je plaisantais plutôt, » ajouta-t-il d'un ton rêveur. « Nous perdons notre temps, monsieur Herbert, » observa le médecin. « Si nous ne voyons pas de suite Lord Dane, il peut apprendre la nouvelle de quelque brusque façon, et ce serait déplorable. De plus, la soirée est déjà fort avancée. « Vous ne voulez rien prendre avant de partir ?»« Non, merci mille fois. » Ils sortirent du salon. Au moment où Herbert prenait son chapeau dans l'antichambre, le domestique lui dit « Dois-je prier le capitaine Dane d'attendre, monsieur, quand il arrivera ?»« Le capitaine Dane !» répéta machinalement Herbert en regardant le domestique d'un air presque égaré. « Non !» La première personne qu'ils rencontrèrent au château fut le sommelier Bruff. Lord Dane était encore dans la salle à manger, avec Lady Dane. Bruff croyait qu'ils attendaient d'un instant à l'autre le capitaine. « Ces messieurs peuvent entrer, » dit-il. Le médecin et l'avocat traversèrent le hall précédés par Bruff. Herbert Dane les suivait. Mais arrivé à mi-chemin de l'immense salle, il revint sur ses pas, et quand Bruff ressortit, il le trouva appuyé contre le mur sous la porte cochère. « Je déclare n'avoir pas le courage d'affronter leur présence, Bruff, » s'écria-t-il. « Annoncer de mauvaises nouvelles a toujours été pour moi un supplice. Je me mets à trembler comme un enfant. Ça va être une terrible secousse, surtout pour Lady Dane. » « Qu'est-il donc arrivé, monsieur Herbert ?»« Je les ai entendus murmurer quelque chose à propos du capitaine comme il traversait le hall. Il était très bien portant quand il est parti après le dîner. » « Je ne peux réellement pas vous expliquer ce qui s'est passé. Je n'y comprends rien. Ils sont venus me trouver il n'y a qu'un instant, en prétendant qu'il était tombé des falaises là-bas, près des ruines, et en me priant de les accompagner et de les aider à annoncer la nouvelle à Lord Dane. Allons sur les hauteurs, Bruff, et voyons s'il n'y a rien à faire. Tout cela est si étrange. » Bruff prit son chapeau et suivit M. Herbert Dane. Quoique abasourdi d'étonnement et absolument consterné, il n'avait cependant accueilli cette nouvelle qu'avec une certaine incrédulité, et quand il en entendit les détails, il se demanda à haute voix si Michel n'était pas idiot de naissance pour s'être conduit aussi bêtement. Pendant ce temps, le médecin et l'avocat annonçaient le fatal événement à bord, et Lady Dane avec tous les ménagements qu'il jugeait nécessaires. M. Apparley se hâta d'ajouter que l'inspecteur des douanes, Cotton, ne croyait pas un mot du récit de Michel, qu'il attribuait à l'hallucination d'un cerveau malade, que si Lord et Lady Dane ne devaient pas se rassurer trop complètement, ils pouvaient au moins conserver de l'espoir. M. Wilde, de son côté, insista sur le point que le douanier, l'esprit surexcité par les détails de la querelle du capitaine Dane et de Ravensbird dans la journée, avait parfaitement pu s'imaginer entendre la même scène sur les falaises, et que, par conséquent, toute l'histoire racontée par lui n'était qu'une chimère. Mais Lord Dane n'était pas homme à se bercer d'un vain espoir et attendre tranquillement. Il n'avait pas l'usage de ses jambes et ne pouvait rien faire par lui-même. Mais il ne perdit pas une minute pour mettre tout le monde en mouvement. Il envoya chercher Michel par un domestique. Il fit immédiatement prévenir la police. Il dépêcha les uns sur les falaises, les autres à la baie pour s'assurer si le yacht avait levé l'ancre. Herbert Dane, qui revenait de sa visite au rocher avec Bruff au moment où son oncle donnait tous ses ordres, déclara que toute cette histoire était absolument invraisemblable. « Je l'ai attendu toute la soirée, » dit-il. « Je l'avais rencontré cet après-midi et il m'avait promis de venir me voir à 9 heures après le départ du yacht et de fumer un cigare avec moi. Il m'avait déjà fait la même promesse la semaine dernière, mais m'avait manqué de parole. Il est impossible que Ravensbird ait osé l'attaquer comme aurait fait un voleur de grand chemin. » s'écria Lord Dane, son fier visage se couvrant d'une vive rougeur. « Mylord, dit Bruff, une lettre a été apportée au château pour le capitaine il y a une heure par Mills, le fabricant de voiles. Travaillait à bord du yacht, m'a-t-il dit, et le gentleman américain lui a remis la lettre juste au moment où on levait l'ancre. Alors le yacht est parti. Apportez-moi cette lettre, Bruff. Lord Dale l'ouvrit immédiatement. C'était un homme habitué à agir avec promptitude et résolution, et il considérait que les circonstances justifiaient son indiscrétion. La lettre était adressée à l'honorable William Dane et contenait les quelques lignes suivantes. À bord de la Perle, 8h30 du soir. Cher William, qu'êtes-vous devenu? J'ai reçu votre mot vous excusant de ne pouvoir venir pour le dîner, mais je vous attendais après. Ce n'est pas aimable de votre part. J'imagine cependant que quelque affaire imprévue vous aura retenu. Nous partons dans 5 minutes. Je vous attendrai jusqu'au dernier moment. Toujours à vous, c'est Monton. Cependant, quand Harry nous quitta après le dîner, il dit qu'il se rendait au yacht, s'écria Lord Dane en tendant la lettre à M. Apperley. Quelle heure était-il, Mylord? Quelle heure, Bruff? Je pense qu'il devait être 8h30, Mylord, ou à peu près. Je le crois aussi. Il est resté à table dans une sombre méditation, ne disant rien et ne buvant pas. Il me dit seulement qu'il croyait le départ du yacht fixé à 9h ou 9h30. À ce moment, l'officier de police, se rendant à l'appel de Lord Dane, arriva au château. Quant au douanier Michel, il était trop malade pour y être amené. Le fabricant de voiles, Mills, que Lord Dane avait envoyé chercher, certifia que le capitaine Dane n'était pas venu au yacht. Le colonel Monton, dit-il, l'a attendu jusqu'au dernier moment, mais le capitaine n'a pas paru. À la dernière minute, quand le bateau levait l'ancre, le colonel m'a remis la lettre en me priant de la porter au château. Vers le milieu de la nuit, l'enquête préliminaire était terminée et le château rentrait dans le calme. L'officier de police avait reçu l'ordre de Lord Dane de procéder à l'arrestation de Ravensbird. Le reste de la nuit se passa dans une attente fiévreuse pour Lord et Lady Dane, qui conservaient de moins en moins d'espoir à mesure que le temps s'écoulait. La marée, en se retirant de la petite langue de terre sur la plage, n'avait laissé aucune trace de Harry. La vareuse de Michel avait même été entraînée au loin. À l'entrée de Dangeheld, dans un coin obscur de la route, à moitié chemin de la première maison du village et de la mer, se trouvait une petite auberge nommée le Rendez-vous des Marins, et dont le patron, Hawthorne, avait déjà dit garde forestier de Lord Dane. C'était une auberge de bonne réputation, d'un ordre plus élevé que ne le sont généralement ces sortes d'établissements, avec chambre à coucher très convenable et salon pour les voyageurs, mais possédant néanmoins, comme c'est l'habitude dans les cabarets, son comptoir pour les buveurs avec petit salon au rez-de-chaussée à leur usage. Les domestiques du château aimaient à s'y réunir et s'y attardaient souvent en buvant leur verre d'ale avec l'hôtelier. C'était là précisément que Ravensbird avait décidé de fixer sa résidence après avoir été chassé par son maître. Le lendemain du jour de la mort de Harry Dane, le bruit de cet événement ne s'était pas encore répandu dans le village, maître Hawthorne était seul, ou pour mieux dire, se croyait seul, à son comptoir, fort occupé à polir les robinets et gobelets d'étain et à mettre tout en ordre, suivant sa coutume, avant le déjeuner, quand un des douaniers, passant devant la porte en se rendant à la plage, entra dans la salle basse. « Une demi-mesure de rhum, hôtelier, l'air du matin est glacé. » « La journée sera encore belle, » répondit Hawthorne en lui tendant le verre demandé. « C'est à espérer car le travail sera rude aujourd'hui. Nous allons jeter les filets, à ce qu'on dit, le long des côtes pour tâcher de recueillir le cadavre. Je suppose que tout Dangeheld viendra voir ça. Les filets, quel cadavre? Est-ce qu'il y a quelqu'un de noyé ?» L'homme était au moment de porter à ses lèvres son verre de rhum. Il s'arrêta en regardant avec étonnement l'hôtelier. « Ah ça, est-ce que vous n'avez pas entendu parler du malheur qui est arrivé au château? Le capitaine Dane a été assassiné. » « Le capitaine Dane assassiné ?» répéta l'hôtelier, croyant avoir mal entendu. « Il était attaqué sur les falaises, la nuit dernière, juste en face du château et précipité du haut des rochers. Michel était de faction au-dessous et a tout vu. Quand il a couru près de celui qui était tombé, il a reconnu le capitaine Dane, tué sur le coup. » M. Hawthorne fit un soubresaut au milieu de ses robinets. Et Michel courut à la maison de garde du train d'une locomotive pour donner l'alarme. Le pauvre garçon s'en est brisé le cœur ou quelque organe dans ces environs-là. Il a été pris d'une attaque d'épilepsie et n'a pu prononcer un mot pendant une heure et plus. Ça a eu pour conséquence que personne n'a connu la chose quand il aurait fallu, et la marée montante a emporté le cadavre. Les êtres maladifs comme Michel ne sont jamais bons à grand-chose. Mais qui l'a attaqué, qui l'a jeté de là-haut ? Demanda l'hôtelier quand il eut enfin retrouvé l'usage de sa langue. On n'a pas besoin de se faire cette question-là deux fois. C'est son domestique, Ravensbird. L'hôtelier fit un nouveau soubresaut en arrière, et une cuillère de fer qu'il tenait à la main alla rouler sur le parquet. Ravensbird, Ravensbird, dites-vous ? Mais il demeure ici depuis hier. Je n'aurais certainement pas dormi sous le même toit que lui la nuit dernière si j'avais su ça. C'était Ravensbird et personne d'autre. Ah, il n'a pas été long à mettre ses menaces de vengeance à exécution. Ce qu'il y a de plus curieux, c'est la manière dont il s'est arrangé pour surprendre le capitaine Dane sur les hauteurs, tout au bord de la falaise. On dit... À ce moment, le douanier s'arrêta net. Au-dessus d'un des bancs de bois qui régnait dans toute la longueur de la salle basse, et dont la double rangée faisait face à la cheminée, venait d'apparaître la tête de Ravensbird, qui avait assisté tranquillement, assis et caché par le haut dossier de son banc, à toute la conversation. « Vous vous nommez Dubber, je crois ?» dit-il en regardant fixement et d'un air indigné le douanier. Dubber, se trouvant pincé, comme on dit familièrement, resta silencieux. Il se sentait trop confus et trop déconcerté pour trouver un mot de réponse. « Comment osez-vous me diffamer ainsi ? De quel droit m'accusez-vous d'un assassinat ?» continua Ravensbird. « Ah bien, monsieur Ravensbird, écoutez donc. Si ce n'est pas vrai et si vous êtes innocent, bien sûr que je vous en demande pardon. » dit l'homme en se remettant de son émotion et en se tirant de son mieux de ce mauvais pas. Quant à ce que j'ai raconté à Hawthorne, s'il ne l'avait pas su par moi, il l'aurait appris du premier passant. L'étonnant, c'est qu'il n'ait rien entendu dire la nuit dernière. Si vous n'étiez pas la partie en cause, vous auriez été le premier à en parler. Ce n'est pas par méchanceté ce que j'en ai fait. Dois-je comprendre, d'après ce que vous avez dit, que Michel l'affirme, m'avoir vu pousser le capitaine Dane du haut des rochers ? Il dit qu'il m'a vu. Oui, il vous l'a dit, à vous, pas à moi. Je ne me suis pas trouvé avec lui depuis l'événement. Sims me l'a répété. Il était à la station quand Michel y est arrivé. Est-il vrai que le capitaine Dane soit mort ? Continua Ravensbird après un instant de silence. Ah, pour ça, rien n'est plus vrai. Et la marée a emporté son corps. Nous allons jeter les filets tout à l'heure. Lord Dane a eu toute la police au château pendant la moitié de la nuit, à ce qu'on m'a raconté. Mais il faut que je file. À moins que je ne veuille me faire mettre sur le rapport. C'est mon tour de garde. » Il se retourna brusquement sur ces derniers mots et s'empressa de sortir de l'auberge, heureux de n'avoir plus devant les yeux le visage blême et le regard fixe de Ravensbird. Ravensbird descendit du banc sur lequel il était monté et en fit le tour pour s'approcher de l'hôtelier. « Qu'est-ce que vous savez de cette affaire, Hawthorne ? Puisque vous étiez là tout à l'heure, monsieur Ravensbird, vous en savez aussi long que moi. » répondit l'aubergiste, qui ne se sentait nullement rassuré, et commença à craindre que Ravensbird ne l'attaquât lui aussi. « Je n'avais pas entendu dire un traître mot de cette affaire avant l'arrivée de Dubber. Vous m'avez effrayé en paraissant tout à coup de cette manière-là. Je vous croyais encore couché. J'étais là depuis une demi-heure. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Je ne sais que penser. Qui pouvait en vouloir au capitaine Dane ? Il n'avait pas d'ennemi. C'était un ami pour nous tous. Je ne m'explique pas sa querelle avec vous. C'était si peu dans son caractère. Il était en effet ordinairement très doux de sa nature, mais que voulez-vous ? Il rageait, et moi aussi. Où est donc mon chapeau ? Je l'ai laissé là-haut, je pense. Il faut que je sorte pour m'assurer de ce qu'il en est réellement de toute cette histoire. Il quitta la salle basse pour monter à sa chambre. Presque au même moment, l'officier de police entra. Il jeta un rapide coup d'œil dans la salle, puis salua l'hôtelier. « Bonjour, Hawthorne. Vous logez ici, maître Ravensbird, je crois ? Est-il déjà levé ? Il était dans cette chambre même il n'y a qu'une minute. Il vient de monter au premier pour prendre son chapeau, désirant, m'a-t-il dit, d'aller aux nouvelles et connaître les détails de cette malheureuse aventure du capitaine Dane. Dubber nous les a racontés en gros tout à l'heure. Un enfant m'aurait renversé d'une chiquenaude, tant j'étais abasourdi. » L'agent de police fit un pas dans le passage donnant sur la porte de sortie de l'escalier, et s'appuya contre le mur. De là, il pouvait apercevoir aussi bien la porte par laquelle on sortait derrière la maison que celle située sur le devant. Ravensbird, quelques instants après, descendit l'escalier. « Une belle journée, monsieur Ravensbird, » dit l'agent. « Superbe. Je vais en profiter pour faire un tour de promenade. Un instant, je vous prie, j'aurai quelques mots à vous dire. Pas maintenant, dit Ravensburg d'un ton d'impatience. Il n'y a rien de tel que le moment présent, répondit l'homme en lui posant sur l'épaule. Ne soyez pas entêté, je vous arrête. Ravensburg regarda fixement l'agent, ses yeux lançaient les éclairs. De quel droit? Que voulez-vous dire? Allons, Ravensburg, soyez raisonnable. Prenez les choses tranquillement. Vous êtes mon prisonnier, et toute la résistance que vous pourrez faire ne servira à rien. Pour toute réponse, Ravensburg se mit à résister. Après une courte lutte, il se sentit tout à coup les poignets emprisonnés dans une paire de menottes. La chose la plus insensée qu'un homme puisse faire, c'est de tenter de résister à un homme dans l'exécution de son devoir, observa le policeman d'un air aimable et convaincu, comme s'il donnait un argument sur un point en litige dans une discussion avec quelques amis. Lord Dane m'a ordonné la nuit dernière de procéder à votre arrestation. J'aurais pu réveiller la maison avant le lever du jour et je vous aurais pris alors au saut du lit. J'ai cru convenable de faire les choses poliment et d'attendre jusqu'à ce matin. Deux hommes sont là, dehors, gardant les deux côtés de la maison. Ainsi, pas moyen de fuir. Comment Lord Dane ose-t-il ordonner de me faire conduire en prison? Il n'en a pas droit, il n'est pas magistrat. L'officier se permit de sourire. Un magistrat à appointement, non. Vous êtes dans le vrai. Mais il est Lord Lieutenant du comté. Ne mettez pas en question les droits de Lord Dane. Croyez-moi, mon brave homme. Ravensburg s'adoucit. Comprenez-moi bien, dit-il. Vous vous nommez Bent, je crois. Bent, oui. Comprenez-moi bien, monsieur Bent. Je n'ai pas l'intention de résister à l'autorité de la loi. Et quand bien même en ce moment je serai libre comme l'air, j'irai me présenter pour répondre à l'accusation portée contre moi. Ce qui mérite surtout, c'est que j'allais sortir pour me renseigner sur l'attaque dont le capitaine a été victime et pour tâcher de découvrir le plus d'indices que j'aurais pu. Car par tous les moyens possibles, avouables ou non, je veux, je l'ai mis dans ma tête, éclaircir ce mystère. J'ai un motif pour agir ainsi, un motif que vous ne connaissez pas et j'aurais donné volontiers 500 francs de ma poche pour ne pas être empêché de mettre mon projet à exécution. Le policeman toussa, d'une petite toux sèche, qui ne dénotait rien moins qu'une grande confiance dans l'explication donnée par le prisonnier. Et de fait, il n'existait pas dans son esprit l'ombre d'un doute. Il ne croyait même pas possible que cette opinion ne fût pas partagée par tous. Le véritable assaillant du capitaine Dane était là devant lui en chair et en os. « Je suis vraiment peiné de ne pouvoir vous accorder cette faveur. » Ce désir immodéré de connaître les moindres détails de l'affaire est tout à fait plausible, Ravensburg, et se comprend de reste. Mais vous avez affaire à un vieux malin, et croyez-moi, il est inutile de chercher à en faire accroire à papa. Ravensburg regardait l'officier de police d'un œil fermé tranquille. Il répondit sans se troubler. Il est possible que vous soyez un vieux malin, comme vous dites. Vous avez assez d'expérience pour l'être, en effet. Mais en ce qui me concerne, en m'arrêtant aujourd'hui, vous faites fausse route. Jusqu'au moment où Dubber est entré ici, j'ignorais qu'aucun accident, aucun malheur fût arrivé au capitaine Dane. Je le croyais vivant et bien portant. Voilà ce que je puis jurer. Faites attention, Ravensburg. Ne dites rien. Ne jurez rien qui puisse se retourner contre vous par la suite, répliqua vivement le policeman. Ce n'est pas pour mon habitude de faire que le mal devienne pire pour ceux dont j'ai la garde. Mais quand ils sont assez fous pour laisser échapper toutes sortes de suppositions et d'aveux, je suis bien obligé cependant d'en prendre note. Le meilleur parti à prendre pour vous est de coudre vos lèvres jusqu'à ce que vous soyez en présence de Lord Dane. C'est là un conseil d'amis. Pensez-y. Très probablement Ravensburg comprit la sagesse de ce conseil, car s'il ne le suivit pas à la lettre, s'il ne cousut point ses lèvres, il garda au moins le silence.